franceinter.com. Pinochet. Les généraux qui ont régné sur l'Argentine de 1976 à 1983 ont fait pire que le dictateur chilien. Plus de morts, plus de tortures, plus d'horreurs, comme ces centaines de bébés arrachés à leur mère dès leur naissance en détention. Des enfants confiés ensuite à des familles de militaires, tandis qu'on assassinait les jeunes accouchés. Alors, pourquoi tant de violence et de férocité? Monsieur X nous l'a montré dans son précédent entretien. Avant même la prise du pouvoir par le général Videla et ses complices, l'Argentine a connu plusieurs cycles de violence et depuis 1930, c'est l'armée qui a imposé sa loi pratiquement sans interruption. Et si la première parenthèse Perón, de 1945 à 1955, a été marquée par de nombreux progrès sociaux, elle s'est aussi traduite par l'instauration d'un pouvoir dictatorial où l'on faisait fi des droits de l'homme. Perón, chassé du pouvoir par l'armée, dont il était pourtant lui-même issu, l'Argentine vit ensuite une série d'événements chaotiques où s'illustrent les généraux les plus brutaux et leurs adversaires les plus déterminés, de jeunes révolutionnaires qui ont créé deux mouvements armés clandestins, les Montoneros, des péronistes d'extrême-gauche, et l'ERP, l'Armée révolutionnaire du peuple. C'est pendant cette période agitée que les militaires argentins expérimentent des méthodes de répression directement inspirées par les officiers français qui ont théorisé et pratiqué la guerre révolutionnaire en Indochine puis en Algérie. Des hommes dont certains viendront jusqu'en Argentine pour instruire leurs collègues. En 1973, alors que la violence atteint des sommets, Juan Perón, exilé à Madrid, pense pouvoir prendre sa revanche. La suite avec Monsieur X. En En 1973, Juan Perón a 70 ans. Ouais, ce n'est plus le fringant général des années 40 et 50. Hein. Et il est malade, hein. Mais son ambition est intacte. Il croit avoir trouvé sa nouvelle Evita en la personne d'Isabella, une ex-danseuse de cabaret qui est devenue sa troisième épouse. Il pense réussir son retour ? Bah, sans grand risque. La junte au pouvoir, dans un souci d'apaisement, a autorisé le retour dans la vie politique du parti péroniste. Oui, le parti justicialiste. Hein. Et lors des élections présidentielles de mars 73, c'est le délégué personnel de Perón qui est élu. Le caudillo peut donc tranquillement revenir chez lui et annoncer aux Argentins qu'il rétablira l'ordre et la paix. Mais ça commence très mal. Oui, pour quelle raison ? Il revient en juin 1973. 3 millions d'Argentins se pressent à l'aéroport pour l'accueillir. C'est énorme, il est resté très populaire. Certes, hein. Toutefois, bientôt, c'est le drame. Alors que de jeunes Monténéros l'acclament, des tueurs surgissent et leur tirent dessus. Il y aura une vingtaine de morts et 400 blessés. Un massacre. Mais que s'est-il réellement passé, alors ? Tout était prévu. 3 000 miliciens civils avaient été recrutés. Des gens dirigés par des officiers très proches des services de renseignement et de l'extrême droite. Selon certaines sources, il y avait même parmi eux d'anciens membres de l'OAS française. C'est étrange. Mais en tout cas, l'objectif, le véritable objectif poursuivi. Très cyniquement, Perón a profité de cet accueil populaire pour adresser un avertissement sanglant à ces révolutionnaires péronistes suspectés d'être un peu trop influencés par l'idéologie marxiste. Mais ce faisant, il a donc accepté de sacrifier quelques-uns de ses propres partisans. Et il a même donné satisfaction à l'aile fascisante de son mouvement. Une aile qui va bientôt monter en puissance. Ouais. Alors Perón, l'admirateur de Mussolini, hein, qui a si généreusement donné l'hospitalité aux criminels de guerre nazis, n'a donc guère changé. Et c'est peut-être encore plus grave. C'est désormais un homme affaibli et sous influence. Quelle influence a ? Celle de son épouse, qui rêve d'être aussi puissante et adulée que l'était Evita Perón. D'ailleurs, elle obtiendra d'être nommée vice-présidente. Mais surtout à côté d'elle, il y a son mentor, celui qu'on appellera bientôt le Rasputin de la Pampa. C'est drôle. Ou encore le sorcier, López Rega. Féru d'occultisme, cet ancien commissaire de police a subjugué Isabella et la dirige à sa guise. Et Perón alors ? Ben, il est tombé lui aussi sous la coupe du sorcier. Lorsqu'il sera élu à la présidence de la République en septembre 1973, avec un score triomphal, il en fera un ministre et le véritable homme fort du pouvoir. Et politiquement, alors, où se situe ce López Vega ? Bon, c'est clairement un homme d'extrême droite, lié au néofasciste italien et à la sulfureuse loge P2 de Lucio Gelli. Il est également proche de certains anciens nazis. Il a recruté quelques-uns de ses gardes du corps chez les tueurs des commandos Delta. De l'OAS. Un joli personnage. Et dès le retour de Perón en Argentine, il crée avec l'accord de ce dernier la triple A, c'est-à-dire l'Alliance Argentine Anticommuniste, un groupe paramilitaire qui sera en 3 ans responsable d'un millier d'assassinats. Et qui sont ces victimes alors ? Des démocrates, des intellectuels et des révolutionnaires de gauche. En fait, malgré le retour de Perón, rien n'a vraiment changé. Et les commandos qui semaient auparavant la terreur au nom de la lutte contre l'ennemi intérieur ont rejoint les tueurs de López Rega. Ouais, même combat, donc. C'est la guerre contre-révolutionnaire qui se poursuit. Et ce sont toujours les méthodes de l'école française qui prévalent. Ouais, et qui seront ensuite mises en pratique à une plus grande échelle lorsque Videla et les siens s'empareront du pouvoir. Exactement. Il y a, si je puis dire, une vraie continuité dans l'usage de la violence en Argentine. Enfin, n'allons pas trop vite. Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur ce que j'ai appelé l'école française. Mais c'est aussi, une parenthèse, hein, si je me souviens bien, le titre d'un livre de la journaliste Marie-Monique Robin, hein, sur ce sujet. Oui, vous avez parfaitement raison. Et c'est un livre enquête passionnant et qui fourmille de révélations. Alors, voyons cela de plus près. L'influence française a été très précoce. Et malheureusement, elle n'est pas étrangère au fait que l'Argentine soit devenue, après-guerre, un havre de paix pour les criminels de guerre et les collabos. C'est ainsi qu'on a vu s'installer dans le pays certains nostalgiques du régime de Vichy, et parmi eux des catholiques intransigeants. On dirait aujourd'hui intégristes. Si vous voulez. Et disons-le tout de suite, ils trouvent en Argentine un terreau particulièrement favorable. L'Église, très proche de l'armée, y est traditionnellement puissante. Dans ce pays hétérogène où tant d'immigrants se sont installés, elle ambitionne même d'être le garant de l'unité nationale et de, pardonnez-moi ce barbarisme, l'argentinité. Et presque naturellement, de nombreux cadres de l'armée adhèrent à ce concept qui va être vivifié par l'arrivée de ces catholiques venus de France. Un organisme français va entre autres jouer un grand rôle. Quoi voulez-vous parler là ? De la Cité catholique. C'est une association laïque créée en France en 1947 par un proche de Maurras. Ah oui. Ce mouvement, très influent dans les grandes écoles, prêche la contre-révolution catholique et prétend participer à la formation d'une élite de nouveaux chevaliers. Et elle va dispenser son enseignement en Argentine. Oui, oui. Le principal acteur n'est autre que l'ancien aumônier de l'armée française en Algérie, Georges Grasset. Ce moine-soldat, comme il aime à se présenter, a choisi le camp de l'OAS, dont il est devenu une sorte de guide spirituel. Réfugié en Espagne, il arrive ensuite en Argentine, où il va participer au développement de l'antenne locale de la Cité catholique. Dans la revue qu'il anime, El Verbo, assidûment lue par les élites militaires argentines, on lit des hommages à Brasillac ou à Mgr Lefebvre, et on légitime l'usage de la torture lorsqu'il s'agit de lutter contre les forces de la subversion. Ouais, toujours l'ennemi intérieur. C'est ça. Et le terrain a été très bien préparé. En France même, à l'école supérieure de guerre, on a très vite compris tout l'intérêt que présentent les principes de la guerre contre-révolutionnaire telle qu'elle a été théorisée par des officiers tels que le colonel Trinquier. Ouais. Au nom de la défense de l'Occident chrétien. Hein. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier le contexte de la guerre froide. La meilleure illustration de cette pratique sera la bataille d'Alger, où Massue et ses paras, en quadrillant la population de la Casbah et en usant de mesures coercitives extrêmes, arrivera à briser le FLN. D'ailleurs, le film de l'Italien Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger, servira souvent à l'instruction des élèves officiers de nombreux pays appelés à pratiquer la guerre révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, comme vous voudrez. Mais alors que, paradoxalement, les réalisateurs de ce film voulaient d'abord dénoncer les méthodes de l'armée française, et surtout des paras de Massue et Bijard. C'est la vérité. À Paris, l'école supérieure de guerre devient donc un véritable foyer d'enseignement de ces méthodes et attire de nombreux stagiaires étrangers, dont beaucoup sont originaires d'Amérique latine. Et parmi eux, des Argentins. Naturellement. Mmh. C'est ainsi que, très officiellement, les deux armées nouent des relations. Avec l'accord du gouvernement gaulliste, de jeunes officiers argentins effectuent même des voyages d'études en France et en Afrique, tandis que les autorités de Buenos Aires invitent des assesseurs français à venir enseigner la guerre révolutionnaire à leur cadre militaire. Au terme d'un accord secret passé entre les deux gouvernements, une mission permanente française s'établit même en Argentine. On y trouvera des instructeurs tels que le trop célèbre général Osares. Ah, un théoricien des interrogatoires musclés dans la recherche du renseignement. Et donc de la torture. J'ajoute, et c'est assez machiavélique, que cet accord passé en 1960 permet aussi au gouvernement gaulliste d'éloigner de futurs militaires factieux anciens d'Indochine ou d'Algérie. Ouais, en somme, c'est tout bénéfice. En effet, ouais. Mais c'est aussi très grave. Car la France va porter une lourde responsabilité lorsque les militaires argentins, en bons élèves, mettront en application l'enseignement que leur ont dispensé leurs instructeurs. Et ça commence très vite. En 1960, à l'occasion d'une grève des ouvriers de la viande qui dégénère en émeute, les militaires emploient les méthodes qu'on leur a enseignées. Des travaux pratiques. Et grâce aux Français, les quartiers rebelles sont quadrillés. On procède à des arrestations massives et la révolte est jugulée. Ce qui ne peut, hélas, que rehausser le prestige de nos officiers. Évoqué précédemment l'ouvrage de Marie-Monique Robin, dont le titre exact est « Escadron de la mort, l'école française ». J'en extrais ce passage où la journaliste réussit à interviewer l'un de ses officiers argentins, López Offran, qui est passé par l'ESG, l'école supérieure de guerre à Paris, avant de devenir plus tard un acteur important sous la dictature. À l'époque, j'étais lieutenant-colonel. À l'état-major argentin, nous avions entendu parler de la doctrine française, alors très à la mode. C'est comme cela que j'ai été sélectionné pour me former à la guerre contre-révolutionnaire. Question. C'était un sujet important à l'ESG ? Les professeurs ne parlaient que de cela. Et pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. En Amérique latine, nous ne connaissions pas encore ce genre de problème. Il y avait des luttes politiques, parfois violentes, mais pas de type subversif, car le Parti communiste n'avait pas commencé son travail d'infiltration. Nous ne connaissions pas l'importance de la population dans ce genre de guerre. Pour nous, il n'y avait que la guerre classique, avec l'infanterie, le fusil, les chars, les canons. Mais jamais nous n'avions imaginé un ennemi qui tue avec un couteau ou qui étrangle avec une corde. Ici, j'ai beaucoup appris. Avec le sang, on apprend beaucoup. Question. Mais s'il n'y avait pas de subversion en Argentine, pourquoi l'armée s'intéressait-elle à la guerre contre-révolutionnaire ? Parce que nous étions persuadés que la Troisième Guerre mondiale était imminente et que l'Union soviétique allait essayer d'ouvrir un front sur le territoire argentin. C'est grâce à l'enseignement des Français que j'ai compris que l'ennemi pouvait être le peuple et que pour gagner la guerre, il fallait conquérir les esprits. Le livre de Marie-Monique Robin a été édité par La Découverte. Une précision avant de poursuivre. Nos professeurs de guerre révolutionnaire, ou plutôt contre-révolutionnaire, ont aussi fait école aux États-Unis où un homme, comme Osares, ira faire des conférences à destination des militaires américains. Et au Vietnam, les généraux états-uniens appliqueront ces méthodes. Mais aussi lorsque la CIA sera directement impliquée dans la lutte contre la subversion, en Amérique du Sud en particulier. C'est parfaitement exact. Et eux aussi organiseront de nombreuses projections du film de Pontecorvo. Mais en Argentine ou au Brésil, ce seront les instructeurs français qui les auront précédés, aussi bien en théorie qu'en pratique. D'ailleurs, il s'en suivra une rivalité certaine entre Américains et Français. Cependant, c'est incontestablement la France qui aura eu la plus grande influence en Argentine. Et pour au moins deux raisons. Les militaires argentins étaient très nationalistes et donc plutôt méfiants vis-à-vis de l'impérialisme nord-américain. La deuxième raison. Les militaires français dispensaient leurs renseignements sur place à Buenos Aires, tandis que traditionnellement, les Américains préféraient faire venir leurs stagiaires chez eux. Mais dans la fameuse école des Américains. En particulier. Enfin, revenons à l'histoire récente de l'Argentine. Perón, revenu au pouvoir, ne règne que quelques mois. Il meurt en avril 1974. Et c'est Isabella qui lui succède à la présidence. Isabella, déjà vice-présidente du vivant de son époux. Ça signifie donc que le nouveau maître du pays devient ce López Rega. Ouais, le sorcier. López Rega qui s'empresse, dès l'été 1974, de déclarer l'état de siège sans limitation de durée. Isabella et son mentor s'octroient des pleins pouvoirs et peuvent gouverner à leur guise. Et donc user des pires méthodes pour juguler l'opposition et vaincre les guérillas. Et les généraux argentins, ceux qui vont s'illustrer, et de quelle manière, dès 1976 commencent à montrer le bout du nez. Un Videla, par exemple, se lance dans l'action psychologique pour justifier toutes les exactions commises par l'armée. Tandis qu'un autre général, Vilas, ordonne en 1975 une vaste opération de répression urbaine dans une ville de province. À cette occasion, il est procédé à un ratissage systématique et 1500 personnes sont mises en détention. Parmi elles, un libraire français qu'on ne reverra jamais. Assassiné ? Vraisemblablement. Et le pire est que cette opération d'envergure, nom de code indépendance, a été conçue en collaboration avec le chef de la mission militaire française en Argentine. Un officier qui porte donc une responsabilité dans la disparition de son compatriote. C'est évident. En tout cas, les militaires sont très contents d'eux. Pour ces généraux, ce banc d'essai s'est révélé très efficace. Et sans aucune difficulté, ils obtiennent d'Isabella Perón l'autorisation d'étendre ce genre d'opération à tout le territoire argentin. Et en cette fin de l'année 1975, ils portent des coups très durs aux guérillas. Ils sont vraiment anticipés, je peux déjà vous dire, que dès les premiers mois de la dictature, en 1976, il en sera fini de ces mouvements révolutionnaires. Le chef de l'ERP, Santucho, sera capturé, interrogé comme il se doit, puis exécuté. Son corps momifié sera ensuite exposé dans un musée de la subversion créé par la junte. Alors justement, la junte, là, quand s'empare-t-elle du pouvoir ? En mars 76. Enfin, vous l'avez compris, avant même ce putsch, les généraux d'Argentin sont déjà tout puissants. La meilleure preuve est que, sans doute à l'insu d'Isabelle Perón, ils ont déjà engagé l'Argentine dans le fameux et sinistre plan Condor. Ouais, nous en avons déjà parlé, mais il faut quand même rappeler qu'il s'agissait d'une sorte, comment dire, d'international de la répression regroupant les polices et services secrets des pays du cône sud du continent. Hein. Et avec la collaboration de la CIA. Ouais. J'ai remarqué que, jusque-là, vous avez très peu évoqué l'action des services états-uniens. Parce qu'en Argentine, ils ont été jusque-là assez peu présents, à la différence des Français. Mais après le putsch, ça va rapidement changer, vous allez le constater. Encore quelques mots sur le plan Condor. Cet international du crime a été d'autant plus efficace que chaque service secret pouvait s'en remettre à un homologue d'un autre pays pour capturer ses propres opposants qui y avaient trouvé refuge. Ces hommes et femmes, donc ces opposants, n'étaient donc en sécurité dans aucun pays ayant adhéré au plan Condor. C'est cela. Et s'il le fallait, attentats et assassinats pouvaient être perpétrés ailleurs. Des opposants sud-américains ont ainsi été frappés en France. Mais je dois dire que c'est l'Argentine, refuge de milliers d'exilés politiques, qui a été le principal théâtre d'opération des agents du plan Condor. Des Chiliens et des Uruguayens y ont été interpellés et transférés ensuite dans leur pays d'origine, à moins qu'ils n'aient été purement et simplement supprimés dès leur arrestation. Et cette coopération policière, vous m'avez dit, a donc existé avant la dictature de Videla. Oui, dès 1974. J'ajoute qu'en face de cette internationale de la répression, les guérillas d'extrême gauche de ces mêmes pays du cône sud ont-elles aussi essayé de collaborer entre elles. Mais elles n'étaient pas de taille à pouvoir résister longtemps à cette formidable machine policière transfrontière. Alors, le putsch. Pourquoi les généraux argentins, qui semblaient déjà agir comme ils le voulaient, ont-ils décidé de s'emparer effectivement du pouvoir ? Parce qu'ils avaient l'ambition de transformer radicalement leur pays, y compris sur le plan économique. Videla l'a d'ailleurs expliqué lui-même de façon très réaliste en reconnaissant que sous la présidence d'Isabella Perón, une grande partie du travail contre la subversion avait déjà été faite. Mais il restait, a-t-il dit, à dépoussiérer le tapis. Et il va s'y employer à sa manière. Oui, mais concrètement, comment ça se passe alors ? Bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette junte, qui va se révéler d'une extrême brutalité, s'impose en douceur au pouvoir. Pas d'effusion de sang, pas de massacre, comme au Chili. En ce mois de mars 1976, Isabella est simplement priée de se démettre. Et Videla et les autres prennent sa place. Ça montre en tout cas que les généraux avaient très bien préparé leur affaire. Et depuis de longs mois, oui. Mais cette discrétion est en quelque sorte l'image de marque des premiers mois de la dictature. Oh certes, on va tuer, enlever, torturer, mais sans que la population le sache. En silence. Ah bon, au moins dans les débuts, car ensuite il ne sera plus possible de dissimuler la répression qui va s'effectuer à grande échelle. Songez qu'au pire moment, plus de 500 personnes par mois seront les victimes des militaires. Mais pardonnez-moi de me répéter, les généraux ont d'abord réussi à démontrer qu'ils n'étaient nullement sanguinaires et que leur dictature serait modérée. Ils avaient d'ailleurs pris la précaution d'en avertir l'ambassadeur des États-Unis. Avant le putsch, donc. Oui, ouais. Et ce diplomate avait pu envoyer à Washington une dépêche où il annonçait un coup d'État tranquille qui ne porterait pas atteinte aux droits de l'homme. Enfin, je vous en parlerai de cet ambassadeur qui, malgré ses convictions profondément conservatrices, n'hésitera pas à afficher son hostilité envers les généraux, quitte à contredire son patron, le secrétaire d'État, Henry Kissinger. Qui lui était plutôt favorable aux généraux. Sans aucun doute. Il l'affirmera à plusieurs reprises, même lorsque le monde entier ne pourra plus ignorer la férocité avec laquelle les militaires agissent. Enfin, passons, au moins provisoirement. Je vous ai dit que les généraux voulaient transformer leur pays, dans leur jargon, ils appellent ça le processus de réorganisation nationale. Et comment ça se traduit, enfin, concrètement ? L'application de ce programme suppose bien sûr une lutte totale contre la subversion et tout ce qui y ressemble. Et pour ces gens-là, il suffit de peu de choses pour être considérés comme subversifs. Ensuite, ce processus doit aboutir à la création d'une nouvelle classe dirigeante. Et donc l'instauration d'un nouvel ordre politique et social autour des valeurs nationales. Il faut aussi institutionnaliser le rôle de l'armée. Ouais, l'armée arbitre et guide de la nation. Tout à fait. Ouais. Et sur le plan économique, hein, là, c'est plus ambigu. Pourquoi, là ? Parce que certains de ces militaires sont partisans d'un libéralisme économique à tout craint. Tandis que d'autres, plus modérés, prônent au contraire une politique étatiste et protectionniste. Et disons-le tout de suite, cette division est l'un des facteurs qui conduiront les généraux à leur perte. Mais après 7 longues années d'horreur. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a évoqué brièvement l'attitude d'Henry Kissinger vis-à-vis des généraux argentins. Il y reviendra. Auparavant, je vous propose un extrait d'un numéro de la revue 20e siècle consacré aux dictatures sud-américaines. Isabelle Vagnou y livre une analyse particulièrement pertinente sur la politique de Washington dans cette région, à partir de l'exemple de Saint-Domingue. Il y a 3 possibilités, par ordre de préférence. Un régime démocratique convenable, la continuation du régime de Trujillo ou un régime castriste. Nous souhaitons tendre vers la première possibilité, mais nous ne pouvons vraiment pas renoncer à la deuxième tant que nous ne sommes pas certains de pouvoir éviter la troisième. Ainsi s'exprimait en 1963 le président John Fitzgerald Kennedy à l'occasion des turbulences qui secouaient la République dominicaine, mais personne depuis n'a mieux synthétisé le dilemme géostratégique de Washington en Amérique latine. Au-delà du cas particulier de la petite nation caribéenne, la formule vaut pour l'ensemble du sous-continent. Tout plutôt que de risquer un second régime marxiste dans la sphère d'influence des États-Unis. Les premiers mois qui suivent le putsch sont les pires. Et d'abord parce que les guérillas ne sont pas encore vaincues. Mais m'avez-vous dit, elles le seront rapidement. Oui, à la fin de 1976, elles ne sont plus en mesure de s'opposer à la junte et réduites à l'impuissance. Elle cesse toute activité. Bah, on pourrait donc imaginer que, débarrassés de cette opposition violente, les militaires chercheraient l'apaisement. Eh bien, pas du tout. Car maintenant, ils veulent extirper tout germe de subversion. La subversion silencieuse, comme ils disent. La subversion qui existe dans les têtes. Oui, c'est à peu près ça. Il faut purifier. Et pour réaliser cet objectif, il ne faut pas hésiter à provoquer un véritable bain de sang. Là, je n'invente rien. Le président de la branche argentine de cette cité catholique dont je vous ai parlé, écrit même dans l'une de ses publications « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption possible ». C'est assez inouï, hein. Donc tous les moyens sont bons pour en arriver à cette purification des esprits. Les généraux créent des centres de détention et de torture dans tout le pays. Le plus tristement célèbre étant installé à Buenos Aires, dans l'école supérieure de mécanique. Une institution dépendante de la marine. Et c'est là où opérera le terrible capitaine Astiz. Hein. Un tortionnaire de la pire espèce que la presse a nommé de façon assez ridicule l'ange de la mort. Ah, à cause de sa beauté, oui. Supposée en tout cas. Oui, il faut aussi préciser que beaucoup de ces lieux de détention, des dizaines et des dizaines, sont souvent clandestins. Toujours le souci de dissimuler à la population la sinistre réalité des méthodes utilisées par les militaires. Évidemment. Hein. Un jour, un homme, une femme disparaissent. Et on n'entend généralement plus parler d'eux. Donc on ne sait pas réellement ce qu'ils sont devenus. Et pour mieux dissimuler leur forfait, les militaires inventent une nouvelle manière de se débarrasser de leurs victimes. Les captifs, après avoir été endormis, sont embarqués dans des avions ou des hélicoptères. Puis encore vivants, ils sont jetés dans la mer ou le Rio de la Plata. Mais comme malgré tout, à cause des courants, certains cadavres sont rejetés sur les rives, les militaires perfectionneront leur méthode. Ils voleront plus au large et lesteront même les victimes avec du ciment. Est-ce qu'en d'autres temps et lieux, on a appelé les crevettes bijards ? À l'école française, toujours. Les Argentins n'ont pas oublié la leçon de leurs instructeurs français. Autre horreur, les vols de bébés. Quand une jeune femme se révèle être enceinte lors de son arrestation, on la maintient en détention jusqu'à son accouchement. Puis elle est assassinée, son bébé est confié à une famille bien pensante, c'est-à-dire une famille de militaires en mal d'enfants. On estime qu'environ 500 bébés ont été ainsi volés. Et aujourd'hui, il y a des familles qui essaient de retrouver ces enfants. Et ça ne va pas sans provoquer des drames, car ces enfants devenus grands sont déchirés entre leurs parents adoptifs et leur famille naturelle. Ce sont ces femmes qu'on a appelées les folles de la place de Mai qui ont révélé tous ces faits. Oui, des épouses ou mères et grand-mères de disparus qui, à partir de 1977, ont régulièrement organisé des rondes silencieuses sur cette place, devant le palais présidentiel, afin d'obtenir la vérité sur le sort réservé aux leurs. On risque de se faire malmener ou pire, arrêter à leur tour. Des femmes d'une dignité et d'un courage extraordinaire. Et qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, n'ont pas abandonné le combat, car les crimes de la junte n'ont pas été tous élucidés. Mais avant de poursuivre, je voudrais revenir, comme je vous l'ai promis, sur les rapports de la junte avec les États-Unis. Malgré le secret dont les militaires tentent de couvrir leurs activités, la terrible répression qui s'abat sur le pays ne peut pas entièrement passer inaperçue. Et à Buenos Aires, un homme en particulier est parfaitement bien informé. Qui ? Robert Hill, l'ambassadeur américain. C'est un républicain pur et dur, un conservateur, qui a été le patron de la compagnie United Fruit. Ouais, une entreprise qui a largement contribué à l'exploitation de l'Amérique du Sud. Et s'est souvent trouvé derrière les mauvais coups perpétrés par les Américains sur le continent. Pourtant, assez curieusement, cet homme qui a de nombreux contacts avec les généraux et a connaissance des rapports très précis de la CIA sur les exactions des militaires, est révolté par cette violation permanente des droits de l'homme. Il en informe donc sa hiérarchie. Kissinger, m'avez-vous dit. Oui, et il entreprend même une démarche auprès du ministre argentin des Affaires étrangères. Mais il se rend alors compte que Washington soutient complètement la junte. Ce ministre argentin s'est même rendu dans la capitale américaine où Kissinger l'a assuré de sa sympathie. Aucun reproche donc. Non, simplement le secrétaire d'État américain a exprimé son souhait de voir le problème réglé au plus tôt. Le problème, c'est-à-dire ? Clairement, pour Kissinger, c'était la subversion communiste. Et s'il voulait que les généraux argentins fassent preuve de diligence, c'est qu'au Congrès, des parlementaires commençaient à lui poser des questions gênantes sur les atteintes aux droits de l'homme en Argentine. Et un pays traditionnellement allié des États-Unis. Et économiquement aidé par ceux-ci. Évidemment, avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Jimmy Carter en 1977, Washington prendra ses distances avec la junte argentine, et même un peu plus. Mais quand Reagan arrivera à son tour au pouvoir, le gouvernement renouera avec Buenos Aires. J'ajoute enfin que Kissinger, redevenu un simple citoyen, rendra ensuite visite à Videla et à ses compagnons. Mais faut-il s'en étonner ? Kissinger n'est sans doute pas étranger à la conception et la mise en place du plan Condor. Oui, comme il a été aussi l'un des initiateurs du putsch de Pinochet au Chili. Alors je poursuis. Si les généraux argentins sont des orfèvres en matière de répression, ils ne sont nullement experts en économie. Et assez vite, la situation du pays se dégrade. D'autant que Jimmy Carter ne dispense plus l'aide des États-Unis qu'au compte-gouttes. Et à condition que cessent les atteintes aux droits de l'homme. Il est entendu. En 1978, on observe un léger adoucissement de la répression. Mais 1978, c'est aussi l'année de la Coupe du Monde de football. Organisée à Buenos Aires. Et les généraux veulent en faire un instrument de propagande. Malgré les protestations qui montent du monde entier. Oui, mais vous le savez, l'Argentine remporte la Coupe. Et les généraux exploitent sans vergogne le sursaut de fierté nationale des Argentins. Mais ils ne profitent pas trop longtemps de cette popularité. En 1980, un des établissements financiers les plus importants du pays est acculé à la banqueroute. Quelques mois plus tard, Videla doit quitter le pouvoir tant la crise est profonde. Mais c'est un autre général qui lui succède. Viola. Mais la crise est toujours là. Et les militaires les plus modérés envisagent de partager le pouvoir avec des civils. Ce que contestent les plus durs. Résultat, Viola, officiellement malade, passe la main à Galtieri. Changement de politique ? Oui, retour aux fondamentaux de 1976. Ah oui. Alors, ça veut dire politique pure et dure des débuts de la dictature, ça. Et répressive, bien sûr. Mais cette tentative de restauration ne fait guère illusion. C'est alors que Galtieri et les autres généraux imaginent de refaire le coup de 1978. Ouais, l'unité nationale lors de la Coupe du Monde. Et c'est ainsi qu'ils imaginent de chasser les Britanniques de l'archipel des Malouines. Ouais, pour créer un sursaut nationaliste. Mais l'aventure se termine en désastre. Ouais, un désastre militaire. Et coûteux en vie humaine, mais aussi un désastre politique, car l'armée, plus divisée que jamais, se déchire. Galtieri et tous les militaires jugés responsables de la catastrophe sont chassés du pouvoir. Et un autre général s'impose. Bignone. Mais c'est le crépuscule de la dictature. Le chef de la junte a beau essayer de se rapprocher des anciens partis politiques, la découverte de dizaines de cadavres abandonnés à ciel ouvert ruine tous ses efforts. Des victimes de la dictature. Évidemment. Manifestations et grèves se succèdent, toutes brutalement réprimées par l'armée. Mais la junte est condamnée. Et les généraux ont beau prétendre que les assassinats et les disparitions ont été perpétrés par les terroristes d'extrême gauche, ça ne passe pas. Et finalement, les généraux doivent renoncer au pouvoir, non sans avoir auparavant promulgué une loi dite de pacification qui amnistie leurs crimes. Ouais. Et en 1983, c'est le retour à la démocratie. Et l'élection d'un président radical, Alfonsine. Mais les Argentins n'en ont pas fini pour autant avec un passé qui les hante toujours. Car en dépit de la loi d'auto-amnistie, les généraux et autres bourreaux doivent encore rendre des comptes. Je vous passe le détail des méthodes dilatoires qui ont été employées par leurs avocats ou un pouvoir civil souvent prompt à les absoudre. Mais aujourd'hui, l'Argentine, je vous le disais la semaine passée, vit un véritable printemps judiciaire. Et Videla et les autres comparaissent devant leurs juges. Au total, pas loin de 1500 personnes sont accusées de crimes contre l'humanité. Bignone, le dernier général, a déjà été condamné à 25 ans de réclusion. Et Videla est jugé en ce moment même. On l'accuse de l'assassinat de 32 détenus politiques. Et cet octogénaire finira sans doute ses jours en prison. Mais le poison n'a pas été totalement expurgé. Que voulez-vous dire, non ? Des témoins importants ont été liquidés, ou bien ils ont disparu. D'autres ont été menacés avant de comparaître. Les militaires, même s'ils ne sont plus les maîtres du pays, conservent donc un vrai pouvoir de nuisance. Et c'est une menace réelle pour la démocratie argentine retrouvée. À lire, outre le livre de Marie-Monique Robin déjà cité, un ouvrage de l'historien Alain Rouquier, « À l'ombre des dictatures, la démocratie en Amérique latine », paru récemment chez Albin Michel. Sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements sur cette émission et la réécouter. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Billou qui l'a réalisée et à Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou, avec lui on respire.